On va parler de chasse avec notre ami Mathieu Roy. On sait que Claude a terminé, son père a terminé la semaine dernière puisque Claude est parti avec les Français. Il est toujours l'automne, il sert de guide pour les amis français. Mais on a un très très bon frappeur de relève. C'est son fils. Salut Mathieu. Hey, salut Danny. Mathieu, de quoi tu veux parler de chasse aujourd'hui? Donc c'est ta chronique. Moi je connais rien, j'aime pas ça, mais c'est pas parce que j'en parle pas que j'aime pas ça qu'on n'est pas obligé d'en parler. C'est raide, hein? Ben écoute, on est dans la période de chasse. Les gars ont déjà commencé. Je sais, nous ici dans la réserve faunique des Laurentides, les réserves fauniques ont comme des passe-droits. Eux autres, ils ont le droit de commencer à chasser de bonne heure. Les gens qui vont chasser, exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les gens qui chassent dans les Epps, ben eux autres, ils ont des dates où ils doivent y aller. Puis c'est une semaine ou deux ou trois, là, tout dépendant des régions, là. C'est sûr que tu as les chasses à lac, tu as les chasses à l'arbalète, et etc. Mais quand on parle de chasse proprement dit, même à la carabine, les réserves phoniques ont des petits passe-droits que les autres pourvoyeurs ou ZEC ont pas. Okay? Mais ceci étant dit, on est dans une période où présentement on est chanceux parce qu'on a des températures qui sont assez fraîches. Dans les années passées, au mois de septembre, on avait des je te dirais pas des grandes chaleurs, mais on avait beaucoup plus de journées très chaudes qu'on a présentement. Donc, ça obligeait les chasseurs dans les deux, trois dernières années à sortir très, très rapidement du bois. Donc, ils abattaient leur orignaux et ils pouvaient pas rester, ils pouvaient pas finir leur semaine de chasse pour espérer. Il fallait absolument qu'il y en ait qui descendent en ville pour aller porter le gibier chez le boucher parce que sinon, ils l'auraient perdu. Maintenant, avec les nuits, tu sais, je sais pas, écoute, c'est sûr que fait peut-être 3-4 en altitude. Fait 3-4 c'est ton club le matin, c'est 7-8, là. Tu sais, fait que c'est au lac, il y a un petit peu plus d'altitude. Donc, peut-être 1 ou 2 degrés de différence. Fait que tu vois que les nuits sont plus fraîches. Les journées même sont plus fraîches. À 18-20, comme on a présentement, c'est moins problématique pour les chasseurs. Donc, ça donne la chance aux gens, parce qu'oublions pas une chose. Les chasseurs, là, la chasse à l'orignal, c'est une semaine de chasse. Les gars prennent des vacances pour aller. C'est une religion ici. Enlève-moi pas ma semaine de chasse. Puis moi, c'est écrit dans le ciel, je vais prendre juste une semaine l'été s'il faut pour avoir ma semaine de chasse à l'orignal. Donc, c'est le fun quand les gars peuvent en profiter le plus longtemps possible de cette semaine-là. Parce que même si t'es chanceux, puis tu abats rapidement, ben si tu peux laisser ton orignal suspendu, qui refroidissent un peu, ça te permet, toi, de continuer de profiter de ton voyage de chasse. Ça te permet de continuer à aller te promener dans le bois, peut-être essayer d'autres choses, tester d'autres approches, parce que là, t'es plus en mode chasse, t'es en mode relax. Donc, ça te permet de te promener dans le bois, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu sais pas sur... tu peux tomber sur une femelle, tu sais, ah, je vais essayer de faire le mâle, puis finalement, comment ça répond, puis tu sais, ça te permet des fois de mettre en pratique plus de choses que tu as appris durant l'hiver sur comment leurrer ton gibier cette année que quand tu es stressé par l'appât du gain, donc l'appât de la récolte de ton orignal, où là, ouf, là, t'es sénère, puis tout est... Donc, ça permet de faire ça et d'avoir des températures plus fraîches, ben presse moins les gars. Les gars sont moins stressés de dire, il va falloir qu'on sorte du bois rapidement. Ils vont pouvoir plus en profiter, je pense. Okay. Et puis, la semaine prochaine, on va tomber dans la période du caoul. Donc là, ça va commencer. Mais je sais que vous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si la période du caoul est partout à travers la province dans les mêmes dates. Ouais. Dans le coin du 17, 18, 20 septembre. Là. Mais le problème, c'est que je sais que, tu sais, nous, quand on avait la pourvoirie au lac Paul, ben, même si j'allais là dans la période du caoul au mois de septembre, c'était bon rien. La chasse était bonne. Ça commençait à bouger beaucoup plus au début octobre. Okay. Mais il y a des gens qui sont chanceux. Il y a des gens qui connaissent plus les territoires que d'autres. Donc, ils sont capables de s'en faire avec ça. Et puis, ben, de l'autre côté, là, on vient de parler de la chasse à l'orignal. Mais t'as les chasseurs de petits gibiers aussi. La chasse aux petits gibiers, perdrix, lièvre. À proprement dit, rouvre en fin de semaine, là, tout dépendant des régions. Ça rouvre dans mi-septembre. Il y en a, c'est un petit peu plus tard. Il y en a, c'est un petit peu avant. Donc, là aussi, tu as des chasseurs d'orignaux dans le bois, mais tu vas avoir des chasseurs de petits gibiers. Il faut qu'on apprenne à cohabiter. C'est sûr que les chasseurs d'orignaux aiment pas ça parce que tu as du monde qui marche dans leur trail, tu as du monde qui laisse des odeurs. Tu es dans un territoire libre, mais tu as des chasseurs d'orignaux qui manquent peut-être un peu de civisme. Puis je m'excuse de le dire comme ça, mais ça, c'est mon territoire, puis tu passeras pas ici. Ça, c'est tellement drôle. Ça me fait tellement rire, ça, moi. Mais c'est comme ça encore aujourd'hui. Ça fait c'est tellement... plate, là, mais tu sais, moi, il y a plusieurs années, j'ai chassé dans une ZEC au Bas-Saint-Laurent, puis on m'a fait des menaces quand je suis sorti en disant qu'on avait tourné un film là-bas. Puis les gars ont dit, là, le président de la ZEC m'appelle, puis là, je dis pas où t'as chassé, puis hors de question que tu dises où ce que t'as chassé, je dis pardon. Mm. Tu sais, le territoire n'est pas à vous autres. Ben là. Non, ben non. Le territoire libre, il est à tout le monde. C'est là un peu plus mais, c'est-à-dire. T'sais, mais c'est ça. Les gens se le sont appropriés, puis depuis des années, ben, t'as des ZEC qui protègent ça, excuse-moi, parce que tout le monde a leur petit territoire, puis ils ont leur chalet, ça avec. Puis là, ben, ça, dans ce coin-là, c'est la famille Tremblay. Tremblay 1, ben, on va dire, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, t'as la famille Tremblay 1. Ouais. Ça, c'est la famille Tremblay 2. Puis, hop, t'as la famille Thibodeau, qui a un autre coin. Puis, t'as la famille Roy, qui a un autre coin. Puis, là, ben, ça monopolise des grands secteurs, alors que t'aurais peut-être la place pour plus de monde pour chasser dans ces secteurs-là. Mmh. Mais ces gens-là en prennent très, très grand. Mais ça, c'est un débat qui est là depuis des années. On changera pas ça. On changera pas ça aujourd'hui, ni toi, ni moi, malheureusement. Il y a des ZEC qui sont mieux gérés. Ça, c'est des problèmes que t'as pas dans les pourvoiries. C'est des problèmes que t'as pas dans les réserves phoniques, mais dans les ZEC, donc le territoire libre, ça arrive quand même pas mal. Puis, il y en a, ça, malheureusement, au Québec, t'en as pas mal. Effectivement. Donc, ben merci beaucoup Mathieu, on se parle la semaine prochaine. Ben ça me fait plaisir, on va être là. La chronique de chasse avec Mathieu Roy. Et il disait, effectivement, ça va être sa dernière saison cette année, parce que il est rendu au bout de ses forces en ce qui concerne la santé. C'est quoi sa maladie? Ben il a eu des problèmes cardiaques. Ok. Et, oui, il a fait un infarctus, je crois, il y a quelques années. Ouais. Et alors, il faut... Okay. Pour respecter ça, puis ben je pense que la santé passe avant le travail sur le terrain. Jacques, je veux te parler un peu des Blue Jays. Reese McGuire est en train de voler peut-être le poste à Danny Jensen. Comment ça va? Ben moi, je pense que dans le moment, il est en train de le rattraper, sinon de le dépasser. Ouais, hein? Non seulement parce que c'est un gars qui frappe mieux pour l'instant, mais c'est un frappeur gaucher. Okay. Et un frappeur gaucher comme receveur, ben, tu sais, le nombre de lanceurs gauchers qu'il y a dans le baseball comparativement au nombre de lanceurs droitiers, alors, tu pourrais le voir plus souvent là que Danny Jensen, parce que les lanceurs gauchers, il n'y en aura pas beaucoup. Mm-hmm. Mais présentement, il semble très bien diriger les lanceurs. Il y a quelques carences en défensive, surtout pour donner une cible, ouais. Et aussi pour se déplacer de gauche à droite. Lorsque la balle va toucher le sol sur une balle à effet. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une des plus belles surprises. Oh, ouais. On n'attendait pas, puis malheureusement, c'est la blessure de Mêlée qui lui a ouvert la porte. Et je vais te dire une chose, il en profite. Effectivement. Jacques, un gros merci. Au plaisir de se parler, parce qu'on se parle bientôt. OK, salut. Collaborateur Jacques Bussin.